Bonsoir à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à cette édition de la soirée dont voici les titres. Les Burundais sont appelés à renforcer l'unité et aux éducateurs à redoubler d'efforts dans l'éducation des élèves. Appel lancé par le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye ce samedi lors de la célébration de la fête communale. Et la décentralisation des cantines scolaires aux écoles que fréquentent les enfants des Batois aidera ces enfants à ne plus abandonner l'école. Vous allez le suivre dans ce journal et en page chronique nutrition de ce dimanche. On va vous parler des bienfaits de la courge dans la santé. Mise en onde est assurée par Eric Ouimana. À la présentation, Jean-Marie Mayonga. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Le chef de l'État appelle les Burundais à renforcer l'unité lors de la célébration de la fête communale ce samedi à Guéta, sa commune natale. Evariste Ndayishimiye trouve que les Burundais commencent à revenir sur les valeurs ancestrales. Il invite aussi les éducateurs à redoubler d'efforts dans l'éducation des élèves. Suivez-les, il est traduit en français par Arthur Kavaouchi. Nous sommes sur le retour aux racines de notre pays. Ce qui a paralysé notre pays, c'est d'avoir perdu notre identité. La culture du voisin ne nous construit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur celui avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs. C'est le moment de nous rappeler comment nous devons vivre dans les valeurs burundaises. La première valeur burundaise, c'est qu'on se voyait comme les membres d'une famille. Les Burundais se différenciaient par leur métier. Deuxièmement, le Burundi était notre trait d'union. Le Burundi est une terre promise pour les Burundais. Et si un étranger vient s'ingérer, tu as le droit de défendre ta patrie. C'était des Burundais unis qui défendaient leur pays au prix de leur vie. Ceci a été perdu à cause de cette trahison des étrangers qui nous incitaient toujours à la haine. Ce qui nous initiait en troisième position, c'est nous-mêmes les Burundais, nos valeurs, la culture, la langue. Je voulais vous conseiller que même si nous embrassons le développement, je voulais dire à ceux qui sont en arrière de se lever et rejoindre les autres, mais je vous garantis que si on est vide dans la tête, on n'ira nulle part. Si nos enfants n'étudient pas, on ne deviendra rien. Alors, je voudrais demander aux enseignants, directeurs, levez-vous pour trouver la solution à ce problème. On a donné à nos enfants des semences, mais des semences qui donnent des fruits. Étudiez cela et dites-nous la cause de ce mal. Page éducation, près de 80% des enfants des Batois abandonnent l'école en cours de l'année scolaire. Précision de l'un des élus du peuple et de la communauté Batois qui place à l'actif de cette situation la pauvreté qui gangrène la plupart des familles Batois. Le député Sindaï Gaya Jean-Baptiste trouve que la décentralisation des cantines scolaires aux écoles qui fréquentent les enfants des Batois constitue une des solutions. Suivez Sindaï Gaya Jean-Baptiste. Comme dans les autres ethnies, je prépare pour envoyer les enfants à l'école. Les Batois aussi ne restent pas derrière et ils se préparent comme tant d'autres. Mais malheureusement, si les enfants Batois commencent l'école au début de l'année, ils peuvent commencer à 3000. Mais à la fin de l'année, on trouve que 80% des enfants qui ont commencé l'année scolaire abandonnent l'école suite à la pauvreté et qui s'observent dans les familles des Batois. Ce qu'on peut faire actuellement, il faut que ce soit l'administration locale, que ce soit les responsables des écoles et même les familles de Batois, conjuguent les efforts ensemble pour que les enfants Batois puissent rester à l'école, sans oublier que la première dame a un projet de nourrir les enfants à l'école. Il faut qu'on décentralise dans toutes les écoles du Burundi où les Batois se trouvent, mais aussi c'est pas à dire que ce sont des Batois seulement qui ne terminent pas l'année scolaire. Il y a aussi les enfants Hutus et Tutsis. Et aussi, dans les familles, on observe la pauvreté. Page justice, c'est la ville de Bujumbura a ses particularités dans les archives et qui est dans les enquêtes de la Commission Vérité et Réconciliation sur la crise de 1972 et des précisions de Pierre Clavel Ndaïchalié, président de la Commission Vérité et Réconciliation CVR. Dans une conférence de presse animée à l'intention des journalistes, il a signalé que certains dans les archives sont les jugements rendus et les listes des personnes recherchées par le pouvoir de cette époque. Suivez Pierre Clavel Ndaïchalié. À Bujumbura, nous avons une chance particulière. Les archives parlent mieux que les fosses communes. Eh bien, les archives du ministère de la Justice, du parquet, les archives des écoles secondaires, Athénée Royale, ETES, ENA, etc., les archives du ministère de l'Éducation nationale, de la fonction publique, etc., révèlent une foule d'informations sur les personnes arrêtées et tuées. Voilà la particularité de Bujumbura Mairie. Mais cette particularité de Bujumbura Mairie, qui était la capitale du pays à l'époque, elle se comprend aisément parce qu'il y a des archives qui se trouvent à Bujumbura Mairie que nous avons également déjà retrouvées à Gitega, à Kirundo, à Muyinga. Je vous donne un exemple. Les archives concernant l'armée, lorsque vous ne les avez pas à Bujumbura, vous les trouvez à Ngozi, vous les trouvez à Kirundo, vous les trouvez à Muyinga. Les archives concernant les enseignants, si on les a détruits à Bururi, vous tombez sur ces archives à Gitega, à Muyinga, à Kirundo. C'est ce qui nous est arrivé avec les archives de l'armée. Nous les avons trouvées dans les deux provinces du Nord, Muyinga et Kirundo. Nous avons une chance extraordinaire avec les archives. Bujumbura, c'est le cœur des archives. Gitega, nous avons trouvé beaucoup d'archives. Muyinga, Kirundo, la même chose. Nous espérons les trouver aussi ailleurs, comme nous en avons eu à Bururi. Donc les archives parlent et avec précision, puisque les archives identifient l'homme, le service, le numéro matricule. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h passé de 7 minutes, les habitants de la commune Rugazi en province Ubanza, dont les propriétés ont été touchées par les activités d'adduction d'eau dans la ville de Bujumbura, vont bientôt recevoir leurs indemnités. Propos du directeur de l'eau au sein de la régie des eaux, au moment où ces habitants commençaient à s'impatienter. Innocent Grundiza indique que cet argent se trouve dans le budget du gouvernement exercice 2021-2022. Suivez-le. Lors de l'exécution du projet en cours, nous avons eu à passer dans les propriétés privées. Il y avait des champs, il y avait aussi des maisons qui ont été détruites. Et maintenant, avec l'année passée, nous avons passé à relever des dégâts. Les dégâts sont recensés et une liste a été bien dressée et a été co-signée par l'administration locale, les bénéficiaires, jusqu'au niveau national. C'est avec l'exercice en cours où l'argent sera versé au sinistre. Le retard dépend de plusieurs raisons. Il y a tout d'abord le relevé de ces indemnités, puisqu'on peut faire soit l'aménagement du captage au mois de février 2019 et l'ouverture des tranchées, et même jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a toujours des relevés qui sont en cours. Et pour passer le paiement de ces indemnisations, il faut clôturer la liste des sinistres. Soit ils ne sont pas concernés par les dégâts, soit c'est une erreur qui peut être normale puisque c'est le travail humain. Mais j'espère les bénéficiaires ont été consultés et la liste aussi a été publiée au niveau de la sous-colline, des collines et de la commune. Puisque avant la signature du le chef de colline, avant d'apposer sa signature, il doit vérifier si tous les sinistrés se retrouvent sur la liste. Innocent Ngurunziza, il est le directeur de l'eau au sein de la régie des eaux. Page sportive, en bref, apôtre Jean-Paul Manirakiza vient d'être élu nouveau président de la Fédération de basketball du Burundi, FEDABU, ce dimanche. Une bonne organisation des compétitions au sein de cette fédération, réhabilitation des terrains et l'encadrement des basketteurs sont parmi les projets de son nouveau président pour promouvoir le basketball du Burundi. Apôtre Jean-Paul Manirakiza a été élu à 100% des votants. Avant de parler chronique, passons à l'étranger, à l'international. Le ministère iranien de la Santé a fait état dimanche de plus de 500 décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie dans ce pays le plus touché au Proche-Orient et au Moyen-Orient. L'Iran a enregistré 542 décès et 39 619 nouveaux cas en 24 heures, ce qui porte le bilan total à plus de 94 000 morts sur plus de 4 millions de cas, précision du ministère iranien de la Santé. Page chronique, à tout à l'heure. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La courge se prépare de manière différente, y compris même la façon de grillage dans le four. Le chercheur nutritionniste indique que cet aliment prévient différentes maladies, dont l'insuffisance rénale. Jean-Paul Ouineza fait savoir que le mélange de la courge bouillie et le lait du soja guérit les troubles stomacaux au merdouille. Chaque façon dont on prépare la courge doit avoir son spécificité à la santé humaine. Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, signale que la courge peut se griller dans le four pour donner un beau goût. La courge peut se préparer de plusieurs façons, mais nous pouvons quand même vous citer quelques-unes. On peut préparer la courge comme d'autres aliments, comme d'autres légumes, comme la banane, comme la patate douce, ainsi de suite. Mais on peut préparer la courge sous forme de choses qui peuvent passer au niveau des fours. On peut griller les courges, de la courge dans des fours. Il faut couper en deux ou en plusieurs tranchées et les cuire au four jusqu'à ce qu'elle ait une belle couleur. Et elle peut être consommée avec du miel ou avec des fruits. Tu peux même la consommer avec de la salade, d'avocat, ainsi de suite. Bouillie, la courge prévient et guérit des maladies stomacales, dit Jean-Paul Ouineza, qui précise qu'elle doit plutôt être mélangée du lait. Tu peux même l'employer dans des soupes. Tu plantes votre courge, puis vous pilez ou bien vous mixez votre courge déjà cuite, vous mélangez avec la soupe. Ça va être une bonne boisson pour des personnes malades et aussi pour des personnes qui veulent consommer d'une façon agréable la courge. Tu peux pirer la courge après l'avoir fait cuire. Ils font la mixer et tu peux mélanger avec du lait de vache, mais je vous conseille d'utiliser des laits de soja puisque c'est un bon lait qui ne cause pas aucun problème à notre organisme. Nous pouvons la sucrer à notre goût. Tu peux utiliser du miel et ça va donner des bons goûts et ça va quand même faire mieux pour des malades qui souffrent de l'estomac. Selon toujours le chercheur, les hypertendus et les personnes en situation d'insuffisance rénale consommeraient la courge à chaque repas. Les personnes qui doivent manger la courge en abondance que les autres. Disons les personnes hypertendues qui ont des affections du cœur, hypertension artérielle, la courge contient très peu de sodium. Elle contient assez de potassium. Une alimentation riche en sodium favorise l'hypertension artérielle, tandis qu'une alimentation abondante en potassium prévient l'hypertension et ses conséquences négatives, comme la thrombose ou apoplexie. Comme conseil, les hypertendus peuvent manger de la courge tous les jours, sous toutes ses formes. Ils ne font pas y ajouter du sel pour ne pas perdre les propriétés de cet aliment. De même qu'elle est constipée et les personnes souffrant du cancer. Nonobstant, Jean-Paul Ouineza fait savoir que la consommation ne dépasserait un quart de la courge entière à chaque repas, indiquant que l'excès est mauvais. Merci à toi, Omer Ndouayo, pour la chronique nutrition. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Bonne soirée sur vous. Au revoir.